Reviens, suave désir, insaisissable souffle, délier mes doigts de plaisir, me ramener à moi. Reviens me prendre au mot, intarissable source, refaire couler le ruisseau où je puise mes vers. Reviens abattre sur moi ta foudre de rondeau, me délivrer de l'étroit et me remplir de moi. Mon souffle pour des mots, ma bouche sur mes mots, mon souffle sur des mots, quand ma pensée éclot. Au dur labeur m'échapper, toucher un bout de ciel, durant ces heures m'inventer une vie de troubadour. Reviens ineffable, inspire, me ronger tout entière, que je puisse encore écrire son corps et ses mystères. Aux lueurs du jour saisir la première pensée, que mes mots viennent mourir sur cette étendue vierge. Au souffle de sanglots, ma course vers des mots, mon souffle pour des mots, quand mes rêves ont éclos. Contre ce terrible destin où l'on se noie d'ennui, préserve-moi en ton sein, me sentir encore libre, à la nuit tombée me dire que j'ai pas tout raté, que le fil de mon désir a tenu jusqu'au bout. Viens donc m'assaillir de mots, intouchable éternel, et alléger le fardeau qui pèse sur mes rires. Mon souffle sur mes mots, ma bouche en écho, mon souffle sur le beau, quand sublime les mots. Reviens déposer sur moi, indomptable compagne, le frémissement délicat de tes bulles d'ivresse. Reviens me grandir encore, amante clandestine, de tes nobles métaphores, mets le verre à ton grade. Viens encore te répandre le long de mes entrailles, épouser les méandres de ma réalité. Mon souffle pour des mots, ma bouche sur mes mots, mon souffle pour des mots, ma bouche sur mes mots.